je vous demande pardon d'entrer ici à l'improviste sans en demander la permission, mais une circonstance imprévue. Faites grand plaisir, monsieur. Mon cher oncle, embrassez-moi, il faut aussi que vous embrassiez madame. Tout est fini, tout est oublié. Enfin, je veux dire, tout est convenu. Vous devez comprendre mon bonheur. Hélas, mon neveu, tout est perdu. La grande duchesse de Gotha est morte. C'est malheureux. Nos paquets étaient faits. C'est chez monsieur Duplessis tout à l'heure que je viens d'apprendre cette affreuse nouvelle. Comment, Valberg, nous ne partons pas, moi qui n'avais pas d'autre idée. Oh, juste ce qu'elle m'abandonnait, vous. Non, mais emmenez-moi quelque part. En Italie, madame, en Turquie, en Norvège, si vous voulez. Qui est-ce qui se serait jamais attendu à cette épouvantable catastrophe? Toutes mes dispositions étaient prises. J'avais les lettres royales, les cadeaux à donner, j'avais tout préparé, tout prévu. Il faut que la seule chance à laquelle on n'eût pas songé... Eh oui, c'est ce que dit le proverbe. On ne saurait penser à tout.